Mais vous, du côté moral, êtes-vous un moraliste intégriste? Oui! Bon, tant mieux, tant mieux. Monsieur le Président? Non, mais écoutez, je pense qu'on change. Entre nous, là, je risque de changer d'impressario parce que j'aurai pas de succès avec lui. Non, mais ça se sent, ça s'entend. Puis, moi, je vais avoir rapidement là, des contrats, du blé, des spectacles. Là. Faire les premières parties de Stromae, de Edith Butler, du grand monde. Edith, c'est grand, ça, cette affaire-là. Ah, c'est grand, c'est grand. Grande fille. Oh, monsieur le président. Une belle grande fille bien plantée dans le Québec. Là, là. Même pas c'est une Acadienne, dans les racines acadiennes, avec l'accent acadien. Pankadville, Pankadville, tu peux bien dormir tranquille. Pankadville, Pankadville, tu peux bien dormir tranquille. Et, ah, Pankadville, Pankadville, tu peux bien dormir tranquille. Pankadville, Pankadville, tu peux bien dormir tranquille. Pankadville, Pankadville. C'est quoi, c'est Donald Duck? Oui, c'est la réminiscence de... La Rémi... Ah! Pankadville, Pankadville, tu peux bien dormir tranquille. Tranquille? Oui, moi, c'est 30 piles par 30 piles. Puis là, je dors tranquille parce que je me dis que ça tombe pas. Si c'est 40, ça commence à calancher, comme on dit dans le milieu de la vertigénération, de la cirque, circus. Ça m'est rien. Ça m'est rien. Premier juillet, moi, j'en ai fait des boîtes, moi, là, puis là, j'en ai ras-le-bol en 6 boîtes, là. Si tu m'en ramènes une, je te le dis, je la retire en bas. Mm-hmm. Moi, j'ai monte, écoute, je déménage, je vais te dire ça vite, là, parce qu'on déborde encore. Je déménage d'un 6e étage, pas d'ascenseur, avec les escaliers en colimaçon. L'escalier en colimaçon, ça tourne énormément. Un escalier en colimaçon, comment faire pour ne pas tomber? Mais c'est ça. Au début, ça va bien, là, mais à un moment donné, après 15-20 descentes dans ces escaliers casse-cou, parce qu'il y en a à Québec, l'escalier casse-cou. Allez voir sur les internets, escalier casse-cou, Québec. Québec, escalier casse-cou, vous allez voir. Puis si vous venez en visite, là, essayez de vous casser le cou là-dessus, c'est tellement plaisant. Allez pas dans nos hôpitaux, là, c'est tellement plein. Puis en tout cas, monsieur le président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone errance rénaldienne. Bienvenue à la dose rénalité, pardon. La voix change, bien oui, je rentre sans sens. Ça n'a pas de sens, mais c'est la sensation de rentrer en transe. J'en parle souvent de ça, oui. Monsieur le président, ben c'est normal, parce que c'est ça. Je l'ai dit, monsieur, je sais, je veux dire bienvenue. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec ma belle Bédiogamérine, la reine de la reine, Jacques Mesrine. Non. Avec moi. Et monsieur Jacques Mesrine, oh! Pour le terminer, ce gars-là, il faut le prendre en deux voitures. Oh! Puis moi, c'est en deux radios. Oh! À l'histoire finement improvisée avec moi, le magicien du surréalisme, Rénal de Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule aujourd'hui, le 1er juillet? Oh, qu'on s'en souvient du 1er juillet, mal de dos. Le dos du début ou le dos de la fin? Oh, les gens qui ont suivi l'émission, là, bon. Aujourd'hui, le vendredi 1er, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons-nous valser avec mon amie Isabelle Gagnon-Camion. Isabelle Gagnon-Camion. Qui se dit Zacamion. C'est une voix féminine grave et sensuelle qui n'appartenait qu'à Juliette Gréco jusqu'ici. Mais ce soir, la deuxième partie vous en fera connaître davantage sur ce personnage qui habite près du Moulin Rouge, dans le 18e à Paris. Vas-y, là. Hey, en passant, hey, avant de dire que oui, je suis actuellement, lorsque vous m'entendez, à Paris pour rencontrer des comédiens, chanteurs, créateurs, hommes et femmes qui font de la création et qui bouillonnent par leur envoûtement. Et je vous ferai entendre ça dès la rentrée 2016 sur CKRL. Là, je me demande, on est-tu en 2016? On est en 2016, voyons donc, ouais! Je suis à Québec, moi, je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec Isabelle. Isabelle, camion, ici, voilà, en direct. En disant pas trop, parce que les gens vont vivre de suspicion. Puis quand on vit de suspicion, ben on attend Isabelle Camion. Parce qu'elle ne vit pas de cet événement-là. Elle ne vit pas de tout ça. Elle vit surtout de l'amour des mots, l'amour de la musique et l'amour des gens. La preuve. Ecco 13 buone ragioni per preferire una birra a una come te e un panino salame. I'm

prostitute stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting, standing in the slant of a late afternoon. And she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Et voire même, je crois que peut-être même je suis encore meilleure. Parce que tu dis, je vais leur faire voir ouais. ce que je peux donner, même s'ils sont ouais. juste... Ouais, vous êtes peut-être que trois, mais comme ça, vous direz que putain, il y en a d'autres qui ont loupé quelque chose. Vous allez être des VIP. Vous allez en parler longtemps à vos amis. Est-ce que, lorsque tu écris, tu connais la mélodie? T'as une formation mélodique, tu peux au piano Non. Non, ok. J'ai une guitare, je joue un petit peu de guitare, et en fait, je fais les deux à part égale. C'est-à-dire que soit j'ai trouvé deux, trois accords sur ma gratte, et puis du coup, j'essaie de trouver des mots qui vont aller dessus,

And then if you ain't careful and hold yourself just so, you could lose your power as well as your heart. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dany.

se rend pour passer dans la chanson chanson. On a des noms, on a des noms. Non, non, non. On veut partir en week-end avec des milliers de gays. On veut partir avec elle parce que c'était la plus belle. On veut partir en week-end avec des milliers de gays. Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie, Emilie. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Je me sens un peu hébété, un peu décalé. J'avais bien quelque chose à faire. Mais oups, je ne me souviens plus. Peut-être que je suis venue pour vous voir nue. Je suis venue pour vous voir nue. Je suis venue vous dire bonjour. Je suis venue vous faire la cour. Je suis venue. Je me sens Atman à bouser, un peu douillouillet. Je me sens complètement déjanté. Mais oups, je ne me souviens plus. Peut-être que je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire l'amour. Je suis venu. Je me sens Atman à gousser, un peu douillouillet. Je me sens douillou à gogo. Je me sens what? Je suis venu pour vous voir. Pour me voir nu, alors on va s'entendre, se comprendre, se détendre. Je suis venue pour vous voir nu. Je suis venue vous dire bonjour. Je suis venue vous faire la cour. Je suis venue pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire l'amour. Je suis venu. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.